Carolina, j'aime quand tu bouges en légine. T'as le fessier qui rend minable. N'importe quel homme te désire. Pour toi, je prends des années de prison. Des piges et des piges. Moi, je suis toujours dans mes missions. Je veux des quichetas et des quichetas. Je suis tout terrain comme pick-up. Je veux rentrer dans ton petit cœur. Je suis un rappeur, pas un people. Mais pas de clip plus que des Beatles. Encore une fois, je réitère. T'es pile poil dans mes critères. Je kiffe ta démarche et ta crinière. Viens, on se voit, c'est des matrices. Bref, la sourde oreille, elle s'en fout des fans. Ne s'en fout d'oseille, j'suis trois gars à problème. J'ai niqué Sarah, j'ai niqué Solène. Hey, j'crois qu'à ma carotée, elle doit préférer le gars d'à côté. Ouais, ouais, bah t'as qu'à me bloquer, j'veux plus rien savoir, il va te faire sauter. Donc, hola Angelina, après le show, tout t'es libre. Moi j'sais pas faire de la guitare, mais j'suis BG comme les chanteurs. Viens à l'hôtel, j'te fais croquer. Si t'es bonne, on va copier. Toi t'es fraîche, toi t'es dopée, j'garde ton numéro sur le côté. Mais jamais j'me mets en couple avec Watt, t'as pas le comportement adéquat. Ni le passé, non. Ni la mentale, non. T'es juste assez bonne, j'te déboîte. En ce moment j'ai un gros appétit, j'veux profiter, j'veux fais qui. Je sais très bien ce qu'on s'est dit. Juste une nuit. Dans le bendo j'fume perso, j'te donne un terre si t'as pas. J'écris sur une prod de junior, j'crois que ça nique des tatas. Nouveau j'ai propos que ça déboîte. La dynamique du C4, mes amigos on est ensemble. Jusqu'à ce que la haine nous sépare. Avant j'avais confiance en elle, maintenant j'ai confiance en moi. Avant le beau temps vers la tempête. Après le soleil revient le temps froid. Hey, arrête de faire l'ancêtre, elle veut du LV, elle veut du Lancel. Ouais, madame a des goûts de luxe, elle aime quand ça brille, elle aime quand ça fluxe. Donc, promis que je vais me ranger, je vais rester sage, pas la peine de se venger. Tu seras la seule à qui je peux penser, mais sois carré, sinon c'est danger. Ouais, ouais, ouais, si je t'ai blessé, sorry. Mais, ne fais jamais de story, je fais les autres à la poubelle, promis que c'est toi la plus belle au lit. J'te mentirai jamais, j'te mentirai jamais, j'te mentirai jamais. Promis, j'te mentirai jamais, j'te mentirai jamais, j'te mentirai jamais. Promis. Oh la Carolina, j'aime quand tu touches en l'équipe. Promis. Oh la Angelina, après le jeu qui se délivre. Moi j'sais pas faire de la guitare, mais j'suis BG comme des chanteurs. Trust me.